Martin Village sur la première. Ce soir, comme annoncé, c'est Juan Antonio Vázquez que nous allons retrouver de l'équipe de Mundofonías. Il nous propose depuis le centre de l'Espagne une fenêtre sur les productions nouvelles concernant l'Espagne et le Portugal. Bonsoir Juan Antonio, j'espère que vous nous entendez bien. C'est évidemment un plaisir de vous retrouver après un été chargé pour nous comme pour vous. Bonjour Didier, bonjour les amis. Bien sûr, nous sommes ravis de continuer à diffuser ces musiques merveilleuses de la péninsule ibérique dans cette collaboration depuis Madrid de l'équipe de Mundofonías. Et nous sommes heureux aussi de partager avec vous la nouvelle de que dans cette nouvelle saison, notre émission Mundofonías va être diffusée sur 16 stations radio à 8 pays de l'Europe et l'Amérique. Mais allons-y avec le premier disque que nous vous proposons d'écouter aujourd'hui. Il s'agit de Germán Díaz, joueur de timple, la petite guitare des îles Canaries, très semblable à l'ukulélé par exemple ou au cavaquinho. Ce disque a été produit par le musicien Andreas Prittwitz, un musicien allemand installé en Espagne depuis longtemps. Et Germán a été aussi entouré de grands musiciens comme Antonio Toledo, Jesús Parra ou Iván Meyen. Voilà donc des cordes pour cette première proposition de Juan Antonio et c'est une nouveauté, vous l'entendez pour la toute première fois dans Le Monde est en Village. C'est un cadeau. Nous sommes en duplex ce soir avec Madrid et Juan Antonio Vázquez qui nous propose en langue française, merci pour l'effort Juan Antonio, des choix contemporains et musicaux. La suite ? Un très bon morceau d'un disque qui conjugue les racines canariennes avec l'influence du flamenco et des musiques arabes, africaines et américaines. Et on va écouter maintenant un groupe qui vient de la terre du vin, La Rioja. Ils pratiquent un folk électrique très contemporain. Dans cette pièce, nous les écoutons sur un rythme de charrada, un rythme sans cuit, un de ces rimes axac qui existent aussi au cœur de l'Espagne, surtout à Zamora ou Salamanca. Ah oui, mais quand on évoque Salamanca, eh bien, je pense tout de suite au travail de défrichage, de collectage qu'un artiste, qu'un musicien comme Eliseo Parra a fait. Mais ça, évidemment, c'est une autre histoire, bien sûr. Voilà ce deuxième choix, cette deuxième proposition de Juan Antonio Vázquez pour la structure Mundofonias. Et nous étions en duplex depuis Madrid. Juan Antonio, on se retrouve bientôt sur les ondes belges et internationales. Je vous souhaite bien évidemment de faire encore et toujours de belles découvertes vocales et musicales. Bien sûr, il est toujours un plaisir et nous espérons de vous retrouver bientôt. Et jusqu'à ce moment-là, nous invitons les auditeurs à visiter notre site web Mundofonías avec f.com. À bientôt. À bientôt, au plaisir. Le monde est un village.